هذه تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire, qu'il est obligatoire à tout musulman et à toute muslima d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. La première, c'est qu'Allah nous a créé, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissé errer sans but. Au contraire, il a envoyé vers nous un messager: quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah en traduction relative et rapprochée, quand il nous dit: certes, nous avons envoyé vers vous un messager témoin contre vous-même, comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi au messager, nous le saisîmes donc rudement. Le deuxième point, c'est qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah quand il nous dit, en traduction relative et rapprochée, certes, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Le troisième point est que quiconque obéit au messager et vous unifie Allah dans l'adoration, il ne lui est pas permis de prendre pour allié quiconque s'oppose à Allah et à son messager, quand bien même il s'agirait d'un de ses proches parents. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah en traduction relative et rapprochée: tu ne trouveras pas un peuple parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier prendre pour ami ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, quand bien même il s'agirait de leur père, de leur fils, de leurs frères ou des gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui Allah a inscrit dans leur cœur la foi et il les a soutenus d'un esprit de sa part. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, dans lesquels ils resteront éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ceux-là sont le parti d'Allah, n'est-ce pas que le parti d'Allah est le parti de ceux qui réussissent. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. نعم، c'est-à-dire que محمد بن عبد الوهاب l'auteur dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est une obligation sur tout musulman et toute musulmane d'apprendre les trois points suivants et de les appliquer. فلا فرق بين المسلم والمسلمة في تعلم العلم الذي هو فرض عين، لأن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. Donc je disais, il est une obligation donc pour tout musulman et toute musulmane. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans cela. Il est une obligation sur tout musulman et toute musulmane d'apprendre la science, qui est une obligation sur chaque musulman. Car la science est de deux types. Il y a deux types de science. Une science qui est une obligation sur tout musulman, que tout musulman doit apprendre, et une science, si une partie de la communauté s'occupe de l'apprendre et de l'étudier, cela suffit au reste de la communauté, et pour le reste de la communauté, donc ce n'est plus une obligation. والنوع الأول يجب على كل فرد ذكرا كان أو أنثى يجب أن يتعلمه ومنه ما نحن بصدده الآن وهي الأصول الثلاثة. Donc le premier type donc de science, comme nous avons dit, qui est la science qui est une obligation sur tout musulman, la science qui est une obligation sur tout musulman, aussi bien l'homme que la femme, il est une obligation pour tout musulman d'apprendre cette science-là. Et parmi cette science-là, il y a ce que nous sommes en train d'étudier, qui sont les trois fondements. وقد ذكر العلماء أن العلم الذي هو فرض عين هو ما يجب على المسلم اعتقاده. Ce qui est une obligation pour le musulman de croire. Les choses auxquelles le musulman est obligé de croire, il doit apprendre ces choses-là. وكذلك ما تصلح به عبادته من صلاة وصيام وحج وزكاة. نعم. Et également donc parmi la science qui est une obligation sur tout musulman d'apprendre, c'est la science par laquelle son adoration va être correcte. Donc il doit apprendre les règles de la prière, les règles du jeûne, les règles du pèlerinage et les règles de la zakat. فهذا هو العلم الذي هو فرض عين. Donc ceci est la science qui est une obligation sur tout musulman d'apprendre. Ce qui concerne la croyance et ce qui concerne les bases des adorations. وكذلك ذكر منه من العلم الذي هو فرض عين ما يجب او يعني ما يريد الانسان ان يتعامل به من المعاملات يجب عليه ان يتعلمه. Également quelqu'un qui a l'intention de faire une transaction commerciale, il doit apprendre les règles de la charia par rapport à cette transaction. Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans cette transaction commerciale. Donc ceci rentre également dans l'obligation, qui est une obligation sur tout musulman, à partir du moment où il a l'intention de rentrer dans ce domaine. وَالْعِلْمَ الَّذِي وَفَرْدُ كِفَايَا وَبَاقِي بَاقِيَةِ الْعُلُومِ. Et donc la science qui est une obligation que sur une partie de la communauté, et que si cette partie s'en occupe, le péché n'atteint pas le reste de la communauté, c'est tout le reste des sciences. Ka ahkam al-qada, mathalan, wa ka ahkam al-irth, mathalan, wa ghayri dhalik, comme par exemple tout ce qui concerne les règles en matière de jugement. Les règles de juridiction en islam, ce n'est pas une obligation sur tout musulman de connaître les règles de juridiction en islam. Et également, les règles d'héritage. Ce n'est pas une obligation sur tout musulman de connaître les règles d'héritage. وَإِنَّمَا إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي إِذَا قَامَ بِتَعَلُّمِ هَذِهِ الْعُلُومِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ الْإِثْمُ عَلَى الْبَاقِينَ. Donc, ce genre de science, comme la science de l'héritage par exemple, si une partie de la communauté s'en occupe, comme nous avons dit, le péché n'atteindra pas le reste de la communauté. المهم أن هذه الأصول الثلاثة مما يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه. Donc ces trois fondements font partie de la science qui est une obligation sur tout musulman et toute musulmane. فقوله قول المؤلف الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. Donc la première des choses que tout musulman et toute musulmane doit connaître, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissé errer en vain, mais il nous a envoyé un prophète, un messager. Ceci doit tout musulman et toute musulmane doit le savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq. والرازق. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et celui qui pourvoit aux besoins de ses serviteurs et qui leur accorde leur subsistance. وهذه المسألة تعتبر قاعدة. نعم. فيها معرفة توحيد الربوبية. معرفة العبد بأن الله هو الذي خلقه وحده وهو الذي يرزقه وحده ثم بعد ذلك لم يتركه كالبهائم تأكل من رزقه فقط. Donc cette règle ou ce premier point constitue une règle par laquelle le serviteur va connaître son Seigneur, va connaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui l'a créé et qui lui accorde sa subsistance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait tout cela, après l'avoir créé et lui accordé sa subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas laissé errer comme les animaux qui ne font que manger et errer. فالإنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى. Allah a honoré l'être humain. ولم يتركه هملا. Il ne l'a pas laissé errer en vain. بل شرف الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بأن أرسل إليه رسولا. هذا الرسول من بني جنسه. لم يكن ملكا أو جنيا لئلا يستوحش منه. Donc, Allah سبحانه وتعالى a honoré l'être humain en lui envoyant des prophètes. Et notamment le dernier des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète, un messager, qui est issu d'eux-mêmes. Un être humain comme eux. Ce n'était ni un ange, ni un djinn. Afin que les êtres humains puissent accepter son message et qu'ils n'aient pas peur de lui. « لو كانت الرسل من الملائكة ربما استوحش منهم بعض الناس » Si les prophètes auraient été des anges, il se peut que des gens soient pris de peur à leur vue. « وكذلك الجن لو أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا من الجن إلى الناس ربما استوحش منه الناس ولم يقبلوا منه الكلام » Donc si Allah aurait envoyé des djinns comme prophètes aux êtres humains, il se peut que des gens se seraient écartés de ces djinns et n'auraient pas accepté leur message. Donc c'est pour cela qu'Allah a choisi comme messager des hommes, des êtres humains, afin qu'ils viennent apporter le message aux autres êtres humains. Hatta, pour ne pas que les êtres humains aient peur de ces gens-là. Fahuwa bashar. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكنه بشر استفاه الله سبحانه وتعالى ورباه تربية خاصة. Donc le prophète sallam est un être humain, mais ce n'est pas n'importe quel être humain, c'est un être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, c'est un être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a éduqué. Et il l'a pris sous son, il l'a préservé de tout défaut. وَهَيَّأَهُ لِهَذِهِ الرِّسَالَةِ الْعَامَّةِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préparé son prophète, a préparé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour supporter la transmission de ce message général à tous les êtres humains et à tous les djinns. فأرسل إلينا رسولا ليدعو الناس إلى الله. Donc Allah a envoyé ce messager afin qu'il appelle les gens à adorer Allah سبحانه وتعالى. هذه وظيفته. Ceci était sa mission. Telle était sa mission d'appeler les gens à Allah سبحانه وتعالى. بشيرا ونذيرا. En tant qu'annonciateur et avertisseur. بشيرا لأهل الإيمان بدخول الجنة وسعادة الدارين ونذيرا لأهل الكفر والشرك بدخول النار والشقاء الدنيوي والأخروي. Donc le prophète a été envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Annonciateur aux gens de la foi, aux croyants, qu'ils vont entrer au paradis et qu'ils auront le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et avertisseur, il avertit les mécréants et les associateurs qu'ils iront en enfer s'ils meurent sur leur mécréance et qu'ils auront la mauvaise vie et le malheur sur terre et dans l'au-delà. فمن أطاعه دخل الجنة فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة. Donc quiconque obéit à ce messager qu'Allah a envoyé, il entrera au paradis. ومن عصاه دخل النار. Et quiconque lui désobéit, il entrera en enfer. وهذا قد جاءت به الأحاديث. Et ceci est venu dans les hadiths. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Le prophète a dit toute ma communauté, يعني c'est-à-dire هنا المقصود بالأمة ليست أمة الإجابة وإنما هو أمة الدعوة. لأن الأمة أمتان, أمة إجابة وأمة دعوة. Donc là c'est tout ce qui est voulu dans ce hadith lorsque le prophète a dit que toute sa communauté entrera au paradis. Ce qui est voulu dans le mot la communauté, ce n'est pas la communauté qui a répondu à l'appel du prophète et qui est rentrée dans l'islam. Mais ce qui est voulu par le terme communauté dans ce hadith, c'est la umma vers qui il a été envoyé, la communauté vers qui il a été envoyé. C'est-à-dire les hommes et les djinns. Car comme les savants expliquent, le terme communauté dans la charia, il a deux sens. Un sens qui concerne la communauté qui a répondu à l'appel du prophète et qui est rentrée dans l'islam, donc c'est-à-dire les musulmans, et une communauté qui est ce qu'on appelle ummatu da'wa, c'est-à-dire la umma vers qui le prophète a été ordonné la communauté que le prophète a été ordonné de prêcher et d'appeler à l'islam. فَمِنْهُمْ مَنْ إِسْتَجَابْ وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَدَ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ. Donc parmi eux, il y en a qui sont rentrés dans l'islam et il y en a qui ont refusé de rentrer dans l'islam. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة. Toute ma communauté entrera au paradis. إلا من أبى. Sauf celui qui a refusé. تعجب من ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Les compagnons ont été étonnés de cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'il a dit sauf celui qui s'y refuse. فقالوا ومن يأبى يا رسول الله. Ils ont dit mais qui refuse de rentrer au paradis, ô messager d'Allah? Faqal sallallahu alayhi wa sallam, man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Donc le prophète a dit quiconque m'obéit entrera au paradis, et celui qui m'obéit, c'est celui-là qui aura refusé de rentrer au paradis. C'est celui-là qui aura refusé de rentrer au paradis. والدليل على هذه المسألة. Et la preuve de ce premier point, que celui qui obéit au prophète entrera au paradis et celui qui le désobéit entrera en enfer. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons certes envoyé vers vous un messager qui soit témoin contre vous, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Alors Pharaon désobéit au messager qui lui fut envoyé, c'est alors que nous le prîmes. C'est ainsi que nous le saisîmes rudement. Allah subhanahu wa ta'ala arsala ila Fir'aun Moussa alayhi salam. Donc Allah a envoyé Moussa alayhi salam vers Pharaon afin de l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma asa Fir'aun Moussa, lorsque Pharaon a donc désobéi à Moussa alayhi salam, فالله سبحانه وتعالى أخذه بالعذاب. Allah subhanahu wa ta'ala lui affligea un châtiment douloureux. Fi dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adab. Et dans l'au-delà, ils seront ramenés à un châtiment encore plus douloureux. Fa nastafid min hadhihi al-aya كما قال الشيخ محمد أمان أن الله أخذ فرعون لما عصى الرسول وكذلك أنتم إن عصيتم الرسول تؤخذون وتعذبون على اختلاف في التعذيب في الدنيا وفي الآخرة. Donc de la même façon qu'Allah a châtié et a puni Pharaon lorsqu'il a désobéi à Moussa et qu'il n'a pas voulu rentrer dans la religion de Moussa, de la même façon, vous, au jour d'aujourd'hui, si vous n'obéissez pas au messager que nous vous avons envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, vous serez châtié. Wa an-nas fi 'isyan ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam 'ala aqsam, 'ala darajat aw 'ala darakat. Et les gens dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont des degrés. فبدرجاتهم في عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدركاتهم في عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم تكون دركاتهم في النار وفي العذاب الدنيوي والأخروي. Donc, en fonction de leur désobéissance, en fonction du degré de leur désobéissance, eh bien, les gens auront des degrés différents dans l'enfer. Et auront des degrés différents dans le châtiment qui les touchera sur terre et le châtiment qui les touchera dans l'au-delà. فهناك من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل الدين. Il y a des gens donc qui désobéissent au prophète صلى الله عليه وسلم dans les bases de la religion, dans la base de la religion, الذي هو التوحيد, qui est le tawhid, والإيمان, et la foi. من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد والإيمان فهو كافر بالله عز وجل وهو خالد مخلد في النار. Celui qui désobéit au prophète صلى الله عليه وسلم en ce qui concerne le tawhid et la foi, qui ne concrétise pas le tawhid et qui ne croit pas à ce à quoi a appelé le prophète صلى الله عليه وسلم, celui-là est un mécréant et il sera en enfer éternellement. فهذه الدرجة الأولى. Donc ceci est le premier degré dans la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. العصيان المؤدي إلى الكفر. C'est la désobéissance c'est la désobéissance qui amène à la mécréance. وَالدَّرَجَةُ الثَّانِيَةِ et le deuxième degré de désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam هو بِلِبْتِدَعْ فِي دِينِهِ بِدْعَةً لَا تُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَتَرْكِ سُنَّتِهِ. Donc le deuxième degré de désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de délaisser sa sunna et d'innover dans sa religion en faisant des innovations qui ne font pas sortir de l'islam. لِأَنَّ الْبِدْعَ إِذَا أَخْرَجَتْ صَاحِبَهَا إِذَا كَانَتْ مُكَفِّرَةً فَأَخْرَجَتْ صَاحِبَهَا مِنَ الْإِسْلَامِ صَارَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. Car celui qui fait une innovation qui peut le faire sortir de l'islam, eh bien celui-là il rentre dans le premier degré, dans ceux qui sont tombés dans la mécréance. لَكِنْ مَنْ كَانَتْ بِدْعَتُهُ دُونَ ذَلِكَ. Mais celui dont l'innovation est moindre que cela et qu'elle ne fait pas sortir de l'islam, فهذا له درجة أخرى. Ceci est un deuxième degré. فهذا متوعد بالنار. Celui-là, il est sous la menace de l'enfer. كما جاء في الحديث حديث الفرق كلها في النار إلا واحدة dans le hadith des sectes, le prophète sallam a dit que toutes ces sectes iront en enfer. Que tous ces groupes et toutes ces sectes iront en enfer. فَمَنْ اِفْتَدَعَ بِدْعَةً فَهُوَ مُتَوَعَدٌ بِالنَّارِ. Il est sous la menace de l'enfer, de rentrer en enfer. لَكِنْ لَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ. Mais il ne sera pas éternellement en enfer, tant que sa bid'a ne le fait pas sortir de l'islam. الدَّرَّةُ الثَّالِثَةِ فِي عِسْيَانِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِسْيَانُهُ بِالْمَعَاصِي. Donc c'est le troisième degré, c'est le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en commettant des péchés. فَهَذَا تَحْتَ مَشِيَةِ اللَّهِ. Celui-là, celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en commettant des péchés, il ne fait pas de shirk, il ne fait pas d'innovation, mais il commet des péchés. فَهَذَا تَحْتَ مَشِيَةِ اللَّهِ. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن شاء الله عذبه على قدر ذنبه وطهره من ذنوبه ثم يدخله الجنة ثم مآله الأخير إلى الجنة. Donc celui-là, celui donc qui a commis des péchés, donc il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le désire, il le châtiera une durée de temps afin de le purifier de ses péchés. Puis une fois qu'il sera purifié de ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis qui sera sa demeure finale. Wa insha Allah azza wa jal, wa insha Allah azza wa jal ghafara lahu dhanbahu wa adkhalahu al-jannata min awwal wahla. Et si Allah le désire, il peut lui pardonner son péché et le faire rentrer au paradis directement, sans le faire passer par l'enfer. فَالْعَاصِي كَمَا قُلْنَا تَحْتَ مَشِيَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ لَكِنْ مَهْمَ كَانْ مَآلُهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Donc, le désobéissant qui n'est pas dans le shirk et qui n'est pas dans la bid'a, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le désire, il le châtiera, et si Allah le désire, il lui pardonnera son péché, mais dans tous les cas, sa demeure finale sera le paradis. Naam. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Le deuxième point que l'auteur a cité et qu'il est une obligation sur tout musulman et toute musulmane d'apprendre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, fût-il un ange rapproché d'Allah ou un messager envoyé par Allah. إذا كان الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك في العبادة ولو كان ملكا فكيف بمن دون ذلك. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on lui associe, qu'on lui attribue un associé, qu'on adore autre que lui, avec lui, ne serait-ce, même si c'est un ange, alors que dire d'une personne qui n'est même pas un ange? Si Allah n'accepte pas qu'on adore un ange, qui sont parmi les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire du reste de quelqu'un qui adore autre qu'un ange? Et si Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha kana Allah azza wa jal, la yarda an yushraka ma'ahu nabiyun, fa kayfa biman duna dhalik. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on adore un prophète, qui sont également les meilleures des créatures, alors que dire de ceux qui sont en dessous des prophètes? De ceux qui adorent des personnes qui sont en dessous des prophètes. كَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْلِيَا وَالصَّالِحِينَ. Comme ceux qui adorent les saints et les personnes pieuses et vertueuses. والدليل على هذا أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. La preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit, c'est le verset dans lequel il dit certes les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne d'autre avec Allah. والمقصود بالدعاء هنا في الآية العبادة كما قاله كثير من المفسرين والشراح. Ce qui est voulu par le terme invoqué dans ce verset, n'invoquez donc personne d'autre avec Allah, comme beaucoup d'exégètes et de personnes qui ont fait l'interprétation du Coran et beaucoup de savants qui ont expliqué ce verset, on dit que ce qui est voulu par l'invocation dans ce verset, ce n'est pas simplement l'invocation, mais c'est toute l'adoration. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nous dit n'invoquez donc personne d'autre avec Allah, c'est-à-dire n'adorez donc personne d'autre avec Allah. Hakadha qala ash-shurah. C'est ainsi qu'on dit ceux qui ont expliqué ce verset parmi les ulama. Fala tad'u ma'a Allahi ahadan ka'inan man kan. Donc tu ne dois adorer avec Allah aucune chose. فلا تستغيث بأحد غير الله. Tu ne dois donc demander, implorer le secours à personne d'autre à part Allah. ولا تدعو غير الله. Et tu n'invoques pas autre qu'Allah. ولا تذبح لهم. Et tu n'immoles pas et tu ne fais pas de sacrifice pour ces choses-là, mais tu ne fais des sacrifices qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تنظر لهم. Et tu ne leur fais pas des vœux. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم عباد الله كلهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. Car ces choses que les gens adorent, ces choses que les gens adorent ne sont rien d'autre que des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des créatures d'Allah qui recherchent la miséricorde d'Allah et alaykoum salam wa rahmatullah qui recherchent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignent son châtiment. Donc c'est pour cela que ça ne sert à rien de les adorer. لِأَنَّهُمْ بِأَنفُسِهِمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَيَخَفُونَ اللَّهَ وَيَرْجُونَ اللَّهَ فَمَا الْفَائِدَ مِنْ دَعْوَتِهِمْ. Donc ces choses-là, eux-mêmes ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le craignent, le redoutent et espèrent en sa récompense et en sa miséricorde et sa satisfaction. Donc ça ne te sert à rien de les adorer, car eux-mêmes adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Fa as-salihun innama al-wajib nahwahum ومحبتهم لا عبادتهم. Donc les personnes pieuses et vertueuses, ce qu'il est une obligation pour nous vis-à-vis d'eux, le droit qu'ils ont sur nous, les pieux et les vertueux, c'est que nous les aimions, non pas que nous les adorions. فيحبون في الله. Nous les aimons pour Allah subhanahu wa ta'ala. لأنهم قاموا بحق الله عز وجل حق القيام. Donc nous les aimons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces pieux et ces vertueux ont respecté le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. فيتقرب العبد الى الله عز وجل بمحبتهم. Donc nous devons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en les aimant. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي لعلنا نؤجل هذا إلى بعد الصلاة. لأن جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que quiconque aime pour Allah et déteste pour Allah et donne pour Allah et interdit pour Allah, eh bien cette personne-là aura complété la foi. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Voici ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. فمحبة الصالحين عبادة. Donc le fait d'aimer les personnes pieuses est une adoration. نتقرب بها إلى الله. Par laquelle nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونرجو ثوابه. Et par laquelle nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. ولذلك أهل السنة والجماعة يحبون أهل السنة ويحبون علماء السنة. Et c'est pour cela que les gens de la sunna aiment les gens de la sunna aiment les gens de la sunna et ils aiment les savants de la sunna. Wa yubghiduna ahla al-bid'a, et ils méprisent et détestent les gens de l'innovation. Yanna al-hubb wal-bughd muta'allaqun bi haqqi Allah 'azza wa jalla, car l'amour et le mépris et la haine, n'am, et revient à quoi? Au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui man qama bi haqqillah ahbabnah wa man lam yaqum bi haqqillah abghadnah. Donc quiconque, yani, respecte les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons l'aimer, et quiconque ne respecte pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons les détester. هذا ولعلنا نواصل بعد الصلاة لأنه قد حان وقت الآذان أو بقي. طيب إذا نواصل إن شاء الله تعالى. فيقول الشيخ: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Le troisième point, qu'il est une obligation pour tout musulman et toute musulmane de connaître et d'appliquer, c'est que quiconque obéit à Allah, obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque obéit au prophète et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, quiconque obéit au prophète et adore et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, il ne lui est pas permis de prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ces gens-là sont des proches parents. يعني أن المسلم المسلم المؤمن الموحد لا يجوز أن يوالي أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. Ceci veut dire que le musulman, le monothéiste, le croyant, il ne lui est pas permis de prendre pour allié et de prendre pour ami les ennemis d'Allah et de son messager. Et cette question s'intitule la question de l'alliance et du désaveu. L'alliance et le désaveu. Al-wala ou al-bara. وهو أصل مهم جدا. Et c'est une base importante de la religion. الولاء والبراء أصل مهم في الدين. وهو أن تحب في الله وتبغض في الله وأن تحب لله وتحب من يحبه الله وتحب ما يحبه الله. Donc c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Que tu aimes ce qu'Allah aime parmi les choses, et tu aimes les gens qu'Allah aime, et tu détestes les choses qu'Allah déteste, et tu détestes les gens qu'Allah déteste. فهذا أصل مهم من أصول الدين. Ceci est une grande base de la religion. وهو من حقوق التوحيد. الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. Et ceci fait partie des droits et de ce qui implique le tawhid. Le tawhid implique l'alliance et le désaveu pour Allah. Celui qui prétend être monothéiste, qui prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, man idda'anahu ya'budu Allah wahda, celui qui prétend être un monothéiste et adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, fa yajibu alayhi an yuhib awliya Allah, il est une obligation pour lui d'aimer les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yatabarra'a min a'da'illah, et qu'il se désavoue des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kana aqrab qarib, fût-il un proche parent. La mujamalata fi dinina, notre religion, il n'y a pas dedans de, il n'y a pas dans notre religion de نعم ممكن لكن هناك كلمة أخرى يعني أحسن منها. المهم il n'y a pas de concession dans notre religion. Il n'y a pas de concession dans notre religion. نقف على هذا ونواصل بعد الصلاة. طيب نواصل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. Donc nous continuons après la prière بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.